Caprice de lecture sur Fadjet, animé par Sarah. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Caprice de lecture où aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je reçois une rédactrice en chef adjointe et pas n'importe laquelle parce que c'est la rédac chef adjointe du magazine en version totalement numérique Lumière en art. Bienvenue à Sarah Gioria. Bonjour Sarah. Bonjour Sarah. Je suis très contente que tu aies accepté cette invitation. Avec plaisir. Et j'avais vraiment envie de mettre en valeur et en lumière ce magazine complètement atypique. Alors on va suivre un petit peu le schéma habituel d'une émission, on va dire classique. 5 questions qui tournent exclusivement autour donc, de votre travail, Lumière en art, avec quelques coupures musicales. Et à la fin, je crois, tu vas nous présenter ton caprice de la semaine. Exactement. Okay. Est-ce que tu es prête? Totalement. Allez. Alors, on y va. Sarah, première question, peux-tu nous parler un peu de la naissance de ce magazine Lumière en art, à quelle période et comment il a été conçu? Totalement. Déjà, une fois de plus, merci Sarah de nous avoir sollicité pour parler effectivement du magazine Lumière en art. Et on le sait, c'est assez rare que tu t'orientes vers cela et ça nous fait en tout cas beaucoup plaisir. Merci beaucoup. Alors, concernant le magazine Lumière en art, c'est un magazine qui a vu le jour il y a à peu près 5 ans, en version numérique. Si tu veux, l'idée en fait qui a vraiment été motrice, ça a été de se dire que voilà, c'est pour nous c'était important qu'il y ait à Nancy et dans la région aussi un magazine totalement numérique qui continue en tout cas à mettre en valeur des initiatives. Okay. Lorsqu'on parle d'initiatives, ce sont vraiment les initiatives culturelles dans toute leur diversité. Et pour nous, en tout cas au sein de la rédaction, chacun des membres avait déjà cette appétence-là pour la culture. D'accord. Et donc l'idée, ça a été de se dire, mais pourquoi pas se réunir pour essayer de faire quelque chose autour de ce qui se passe dans notre belle région et pourquoi pas explorer aussi d'autres territoires. Donc c'est un petit peu comme ça qu'est née l'idée de Lumière en art. Elle est partie de passionnés de culture qui voulaient partager super. Leur passion. Et c'est pari réussi, du coup. Alors, effectivement, quand on va un peu sur le site web, on voit qu'il y a plusieurs rubriques, donc une rubrique cinéma, saveur, expo, livre, mode, spectacle, etc. Mmh. Comment est-ce qu'on choisit les événements qu'on souhaite mettre en valeur, alors au niveau local, comme tu le disais? Est-ce que vous débattez entre vous ou est-ce que c'est soumis, on va dire, peut-être à une, on va pas appeler ça une autorité, mais à quelqu'un qui est un peu le chef de file? Ça se passe comment? Parce que quelquefois, vous faites aussi des beaux clins d'œil à quelque chose qui a un rayonnement national. Alors moi, je suis un peu curieuse, comment c'est organisé tout ça? Alors effectivement, tu le soulignais très bien, il y a plusieurs rubriques. Comme je te disais tout à l'heure, au sein de la rédaction, on a vraiment chacun des membres qui a déjà une appétence particulière pour un domaine en particulier. Moi, par exemple, ça va être plus la littérature. Oui. On a Bernard Viss qui va aussi être sur la littérature. On va avoir des personnes comme Patrick qui sont plus sur le cinéma. Donc voilà, chacun déjà cet intérêt-là pour un domaine en particulier. Mais après, l'idée, ça a été aussi de se dire que finalement, on forme une équipe. Donc, on a voulu aussi quand même couvrir certains événements en équipe. Donc, ce qui explique justement notre présence sur certains événements où on va retrouver plusieurs rédacteurs de Lumière en art qui ne sont pas, on va dire, enfin, dont ce n'est pas forcément l'appétence première, mais qui s'intéressent à cela. Je pense par exemple au Nancy Jazz Pulsations, où on va être assez nombreux parce que c'est un événement fort aussi, c'est un temps fort culturel de la ville de Nancy. Okay. Pareil au niveau du cinéma où on va être plusieurs à couvrir parce que effectivement ce sont des temps forts et pour nous une fois de plus c'est important aussi qu'il y ait assez de personnes pour les mettre en lumière. Donc voilà. Donc il n'y a pas vraiment de... Alors tout sera toujours concerté parce que on a des temps où on se réunit justement pour parler des événements qui approchent là et ça a été le cas par exemple là il y a quelques temps on était aux rencontres de Gérard May. Oui. Donc effectivement on s'est dit ok voilà il y a cet événement là qui arrive, comment est-ce que ça se passe, comment c'est un bel article en plus, voilà. Il est super chouette. Donc, c'était bien. Merci beaucoup et très bel article. Donc c'est un petit peu comme ça qu'on va essayer de fonctionner, de donner de manière aussi à Chacun sa passion, mais en cohésion. Exactement, exactement. Bah, voilà, okay, vous êtes très complémentaires. Ouais, en plus. Exactement. On va faire une petite pause, Sarah, tout de suite avec M et le bal de Bamako. Okay. J'adore. Parfait. Comme un vertige sur la ville, moi, l'homme hibou blanc, imbécile, dans un boubou pas très agile, plutôt fragile. Comme les doigts dans la prise, te voir danser m'électrise. Peut-être même que ça m'érotise, que j'idéalise. Malice au Mali des merveilles, le Mali Dieu créa la flamme. Le Mali danse dans mon âme. On y soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Moi le capitaine, tu danses pas, sois le croque-mitaine. La voix arrive par la droite, il reste une chance et sois pas maladroite. Fais le décalement, ouais carrément, vire-le, qu'on le fasse légalement. Si tu penses, c'est que c'est possible, aujourd'hui c'est dimanche, demain aussi. Béni soit qui Mali pense, qu'importe la couleur de ta peau. Béni soit qui au Mali danse, au son des balles de Bamako. Prise de lecture sur Fadjet. De retour dans cette émission de Caprice de lecture tout à fait atypique aujourd'hui, en présence de Sarah, qui nous parle du magazine numérique et Lumière en art. Alors Sarah, j'avais une troisième question pour toi. J'aimerais savoir un petit peu quelle est la ligne, est-ce que vous avez déjà une ligne éditoriale spécifique? Et surtout, comment organise-t-on un nouveau magazine culturel, qu'il soit papier ou numérique, dans le paysage culturel actuel? Il y a déjà pas mal de choses, de magazines aussi qui existent, ou de blogs, ou de choses comme ça. Qu'est-ce qui vous démarque de tout ça? Est-ce que vous avez ce qu'on appelle un petit peu une griffe, quoi? Est-ce que vous avez une particularité? Alors, comment est-ce qu'on organise la ligne éditoriale de Lumière en art? Je vais revenir une fois de plus sur ce que je disais. On est une équipe assez diverse, ouais, assez variée, et beaucoup de choses que l'on met en avant sont aussi issues de nos coups de cœur personnels. Ok. Ça veut dire que il se peut très bien qu'au sein de l'équipe, une personne ait flashé sur un livre, ouais, sur une expo, et ait envie de faire partager cela à nos lecteurs. Donc c'est souvent un petit peu comme ça que ça va s'organiser. Okay. Et il arrive qu'on en discute effectivement souvent ensemble. Mais ça peut aussi être une surprise, et la plupart du temps, en tout cas, c'est une très belle surprise, parce que nous aussi, ça nous permet de sortir de nos zones de confort. Ah oui, c'est bien ça. Exactement. Okay. Et puis, il y a peut-être un critère, enfin, je ne dirais pas comment est-ce qu'on se démarque. Alors nous, on est... je pense que c'est la question de l'investissement. Je sais... Alors, je pense hein, vraiment, ouais, qu'il y a un investissement personnel qui fait peut-être que le magazine est plus vivant. Parce que moi, je vois par exemple, quand on est présent sur des initiatives, la façon dont on va couvrir, ça va être aussi... on va y mettre du temps. Pour prendre un petit exemple qui, à mon avis, pourrait assez bien résumer les mm-hmm. choses. Et là, on a lancé il y a quelques temps des escales culturelles. Oui. Et on avait fait le constat que, voilà, c'était... Alors, l'idée l'idée de base, c'était de mettre en avant, justement, de mettre en lumière des initiatives, alors des écrivains ou même des restos locaux, etc. Oui. Et on s'est rendu compte que on faisait nos interviews, souvent nos entretiens avec les responsables des restos, etc., lors du moment de la mise en valeur. Oui. Or, ça ne leur permettait pas forcément de profiter de l'instant. D'être complètement disponible. Exactement. En fait. Ouais. Et par exemple, une réflexion qui a été menée justement avec les rédacteurs qui s'en occupaient, donc Justine et Cyril, ça a été de se dire que voilà, ce serait plus intéressant de les rencontrer avant, oui. vraiment de prendre le temps de discuter avec eux de leur parcours, de comment est-ce qu'ils et en sont arrivés là. Et que tout le monde profite pleinement Exactement. Après de la remise. Exactement. Ouais, donc ça va être tout simplement cela, quoi. Ça va vraiment être, ça fait un peu bateau, mais c'est une phrase très vraie parce que voilà, l'idée c'est vraiment que l'art soit quand même incarné par les personnes qui le font. Et puis surtout, on parle jamais aussi bien de ce qu'on aime. Mmh, en exactement, fait, exactement. Enfin, moi, je serais incapable de m'obliger de parler quelque chose que je maîtrise pas ou que j'aime pas. Effectivement, effectivement. Et du coup, ça se sent. Ouais, il y a quand même de la passion derrière, totalement, de l'investissement totalement. Et voilà. Ouais, donc, totalement. Je pense que oui, effectivement, c'est votre griffe quelque part. Ok. Alors, une version papier serait-elle disponible un jour ou est-ce que vous restez plutôt au format numérique? Alors, sans trop m'avancer, c'est peut-être donc Gilles Gosserès, le directeur oui. du magazine, qui pourra en dire plus. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, on reste sur le format numérique parce que ça nous permet aussi quand même d'explorer un certain nombre de choses sans une contrainte trop grande, hein, oui. quand même liée à tout ce qui est imprimerie, etc. De coût. Exactement, de coût également, parce que notre site, il est en accès totalement gratuit. Pour l'instant, en tout cas, l'idée est qu'on continue quand même à explorer cet outil numérique-là. Ouais. Et puis, peut-être... Et puis, c'est vrai que s'il y avait peut-être une régularité sur un format papier, ça vous obligerait ou vous contraindrait à... Exactement. Peut-être à vous restreindre sur les coups de cœur ou Exactement. Les choses comme ça, parce qu'il y a un timing à respecter, Exactement. Je suppose. Totalement, totalement. Bah, c'est ça, en fait. Avec ce format numérique-là, on a quand même la latitude, on va dire, de faire les choses un petit peu à notre rythme. Ouais. Ça veut dire qu'on n'a pas d'obligation de rendu d'article, que ce soit hebdomadaire ou autre. C'est super confort. Donc voilà, exactement. Bah, oui. Et du coup, ça permet effectivement d'explorer davantage les coups de cœur, de prendre le temps de sélectionner parmi tout oui. ce qu'on a vu, lu, écouté. Ouais, je comprends. On va faire une deuxième pause musicale avant la dernière question pour Sarah. À tout de suite. Cause only you can get me high. Heartbeat, heartbeat. Caprice de lecture sur Fadjet. Troisième partie d'émission consacrée à Lumière en art aujourd'hui et toujours en compagnie de Sarah Djuria. Alors Sarah, j'avais une dernière question pour toi. Quels sont les projets de Lumière en art pour le second semestre 2022 ? Début 2023, quelles sont les surprises que vous nous réservez ? Alors, comme ce sont des surprises, on va en dire quelques mots, mais non plus sérieusement, on va dire sur les prochaines initiatives sur lesquelles on sera, il y a de belles choses qui sont en train de se faire. Donc là, il y aura par exemple le festival Aux Actes Citoyens de théâtre qui va débuter bientôt. On a les Imaginales aussi à Épinal, c'est ça exactement, sur lesquelles on sera. Et puis on a, alors ça va être, c'est quand même aussi un gros temps fort de notre année, c'est le prix Hermann Chatrian, donc le Goncourt Lorrain, qui va être remis pareil aussi au mois de mai, le 30 mai. Après, on va dire dans un temps plus long, l'idée serait aussi de continuer à développer nos escales gourmandes, parce que voilà, c'est une des dernières rubriques qui a été mise en place donc dans le magazine, et l'idée c'est vraiment de mettre en lumière donc les restaurateurs, les artisans de la région. Et puis il y aura aussi une volonté quand même d'investir davantage aussi le chant de la chanson, de la musique. Ok. Ah oui, donc ça voilà. Serait c'est original. C'est super. Des petits trucs comme des petites choses comme ça. Bon, alors un beau programme chargé, mais beau programme. Exactement. Bon, super, on a hâte de découvrir ça sur le site. On va faire une dernière coupure musicale et après Sarah nous présentera son caprice de la semaine. À tout de suite. Allez, respire encore. Caprice de lecture sur Fadjet. Pour clôturer cette très belle émission avec Sarah Djoria, elle va nous présenter son caprice de la semaine. Alors Sarah, c'est à toi, dis-nous un petit peu quelle petite pépite tu nous as dénichée. Alors déjà merci pour cette belle carte blanche. Alors en ce moment, alors il y a quelques jours j'ai terminé un livre, le titre c'est Les femmes sont occupées, l'auteur c'est Samira El Hayashi. Je l'ai découverte il y a quelques semaines maintenant au salon littéraire Livre d'ailleurs. De manière très brève, c'est l'histoire d'une jeune mère de famille qui essaye de s'en sortir dans la vie, qui essaye de surmonter les vicissitudes de la vie, tant bien que mal. Et ce qui m'a saisi quand même dans ce livre, c'est l'écriture. Il y a quelque chose d'assez haché, d'assez saccadé, mais vraiment qui prend aux tripes, déjà dans la forme et puis dans le fond, parce que finalement, elle met quand même en avant, elle met en exergue un certain nombre de... et dénonce aussi un certain nombre de diktats qui sont imposés, malheureusement, encore aux femmes. Et juste pour terminer, il y a quelque chose... J'avais d'ailleurs noté ce passage parce que je trouvais qu'il était très beau et qui le résumait un petit peu aussi l'esprit de ce livre-là. Alors dans ce passage-là, le personnage principal parle un petit peu justement de ces diktats qui sont imposés à la femme et alors elle dit « Absolument tout doit tenir dans une fenêtre de temps serrée. Carrière, vie amoureuse, maternité. La femme moderne a une petite fenêtre de temps pour réaliser le quartet gagnant. 1. Réussir sa vie professionnelle. 2. Trouver le bon mec. 3. Faire un ou deux enfants. 4. Rentrer quand même dans un 36 avec des fesses super bombées. S'épanouir, dit-on. Se réaliser, s'émanciper, le tout en très peu de temps. Oui, donc, tellement vrai. Voilà, c'est mais ça. Tellement et vrai. La pertinence du propos m'a bien sûr touchée. Et c'est international et commun à chacune de nous, les femmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait une carrière comme si on n'avait pas d'enfants. Il faut qu'on ait des enfants comme si on n'avait pas de carrière. Exactement. Et il faut qu'on ait un corps qui soit toujours un espèce d'appel à l'érotisme. Ouais, ouais, exactement. Mais c'est impossible. Donc pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, c'est impossible. Merci Sarah d'avoir participé à cette émission, de nous avoir fait partager ta passion pour ce magazine. Je sais que c'est une équipe qui est très... très diverses, mais à la fois que très je salue soudées. D'ailleurs. Voilà, c'est vraiment extraordinaire. N'hésitez pas à aller consulter le site internet de Lumière en Art. Est-ce que tu peux nous donner le nom de l'adresse internet, Sarah? Alors, c'est www.lumièreenart.fr. Voilà, allez vous régaler, allez vous renseigner. C'est de la culture et de la culture. Merci beaucoup, Sarah. À très bientôt. Merci beaucoup. Et je vous dis au revoir et à bientôt aussi pour de nouvelles aventures littéraires. Au revoir.